Chapitre 7 Paul et Virginie. Le vieillard, assis sur la montagne, fait l'histoire des deux familles exilées. Il raconte les travaux, les amours, les soucis de leur vie. Paul et Virginie n'avaient ni horloge, ni almanach, ni livre de chronologie, d'histoire ou de philosophie. Les périodes de leur vie se réglaient sur celles de la nature. Ils connaissaient les heures du jour par l'ombre des arbres, les saisons par le temps où elles donnent leurs fleurs ou leurs fruits, et les années par le nombre de leurs récoltes. Ces douces images répandaient les plus grands charmes dans leur conversation. « Il est temps de dîner, » disait Virginie à la famille. « Les ombres des bananiers sont à leurs pieds. Ou bien la nuit s'approche, les tamarins ferment leurs feuilles. « Quand viendrez-vous nous voir ?» lui disaient quelques amis du voisinage. « Aux cannes de sucre, » répondait Virginie. « Votre visite nous sera encore plus douce et plus agréable, » reprenaient ces jeunes filles. Quand on l'interrogeait sur son âge et sur celui de Paul, « Mon frère, » disait-elle, « est de l'âge du grand cocotier de la fontaine, et moi de celui du plus petit. Les manguiers ont donné 12 fois leurs fruits, et les orangers 24 fois leurs fleurs, depuis que je suis au monde. » Leur vie semblait attachée à celle des arbres, comme celle des faunes et des dryades. Ils ne connaissaient d'autres époques historiques que celles de la vie de leur mère, d'autres chronologies que celles de leurs vergers, et d'autres philosophies que de faire du bien à tout le monde et de se résigner à la volonté de Dieu. Quelquefois, seul avec elle, Virginie, il, Paul, lui disait au retour de ses travaux, « Lorsque je suis fatigué, ta vue me délasse. Quand du haut de la montagne, je t'aperçois au fond de ce vallon, tu me parais, au milieu de nos vergers, comme un bouton de rose. Quoique je te perde de vue à travers les arbres, je n'ai pas besoin de te voir pour te retrouver. Quelque chose de toi que je ne puis dire reste pour moi dans l'air où tu passes, sur l'herbe où tu t'assieds. Dis-moi par quel charme tu as pu m'enchanter. Est-ce par ton esprit? Mais nos mères en ont plus que nous deux. Est-ce par tes caresses? Mais elles m'embrassent plus souvent que toi. Je crois que c'est par ta bonté. Tiens, ma bien-aimée, prends cette branche fleurie de citronnier que j'ai cueillie dans la forêt. Tu la mettras la nuit près de ton lit. Mange ce rayon de miel. Je l'ai pris pour toi au haut d'un rocher. Mais auparavant, repose-toi sur mon sein, et je serai délassée. » Virginie lui répondait, « Oh, mon frère, les rayons de soleil au matin, au haut de ces rochers, me donnent moins de joie que ta présence. Tu me demandes pourquoi tu m'aimes, mais tout ce qui a été élevé ensemble s'aime. Vois nos oiseaux, élevés dans les mêmes nids, ils s'aiment comme nous, ils sont toujours ensemble comme nous. Écoute comme ils s'appellent et se répondent d'un arbre à un autre. De même, quand l'écho me fait entendre les airs que tu joues sur ta flûte, je répète les paroles au fond de ce vallon. Je prie Dieu tous les jours pour ma mère, pour la tienne, pour toi, pour nos pauvres serviteurs. Mais quand je prononce ton nom, il me semble que ma dévotion augmente. Je demande si instamment à Dieu qu'il ne t'arrive pas de mal. Pourquoi vas-tu si loin et si haut me chercher des fruits et des fleurs? N'en avons-nous pas assez dans le jardin? Comme te voilà fatiguée! Tu es tout en âge. » Et avec son petit mouchoir blanc, elle lui essuyait le front et les joues et lui donnait plusieurs baisers. Ce qu'il nous importe d'examiner dans cette peinture, ce n'est pas pourquoi elle est supérieure au tableau de Galatée, supériorité trop évidente pour n'être pas reconnue de tout le monde, mais pourquoi elle doit son excellence à la religion, et en un mot, comment elle est chrétienne. Il est certain que le charme de Paul et Virginie consiste en une certaine morale mélancolique qui brille dans l'ouvrage, et qu'on pourrait comparer à cet éclat uniforme que la lune répand sur une solitude parée de fleurs. Or, quiconque a médité l'Évangile doit convenir que ces préceptes divins ont précisément ce caractère triste et tendre. Bernardin de Saint-Pierre, qui, dans ses études de la nature, cherche à justifier les voies de Dieu et à prouver la beauté de la religion, a dû nourrir son génie de la lecture des livres saints. son églogue n'est si touchante que parce qu'elle représente deux familles chrétiennes exilées, vivant sous les yeux du Seigneur, entre sa parole dans la Bible et ses ouvrages dans le désert. Joignez-y l'indigence et ces infortunes de l'âme dont la religion est le seul remède, et vous aurez tout le sujet du poème. Les personnages sont aussi simples que l'intrigue. Ce sont deux beaux enfants dont on aperçoit le berceau et la tombe, deux fidèles esclaves et deux pieuses maîtresses. Ces honnêtes gens ont un historien digne de leur vie, un vieillard demeuré seul dans la montagne, et qui survit à ce qu'il aima, raconte à un voyageur les malheurs de ses amis sur les débris de leur cabane. Ajoutons que ces bucoliques australes sont pleines du souvenir des Écritures. Là, c'est Ruth, là, c'est Séphora, ici, Éden et nos premiers pères. Ces sacrées réminiscences vieillissent, pour ainsi dire, les mœurs du tableau, en y mêlant les mœurs de l'Antique Orient. La messe, les prières, les sacrements, les cérémonies de l'Église, que l'auteur rappelle à tout moment, augmentent aussi les beautés religieuses de l'ouvrage. Le songe de Madame de la Tour n'est-il pas essentiellement lié à ce que nos dogmes ont de plus grand et de plus attendrissant? On reconnaît encore le chrétien dans ses préceptes de résignation à la volonté de Dieu, d'obéissance à ses parents, de charité envers les pauvres. En un mot, dans cette douce théologie que respire le poème de Bernardin de Saint-Pierre. Il y a plus. C'est en effet la religion qui détermine la catastrophe. Virginie meurt pour conserver une des premières vertus recommandées par l'Évangile. Il eût été absurde de faire mourir une grecque pour ne vouloir pas dépouiller ses vêtements. Mais l'amante de Paul est une vierge chrétienne, et le dénouement, ridicule sous une croyance moins pure, devient ici sublime. Enfin, cette pastorale ne ressemble ni aux idylles de Théocrite, ni aux églogues de Virgile, ni tout à fait aux grands poèmes rustiques d'Hésiode, d'Homère et de la Bible, mais elle rappelle quelque chose d'ineffable, comme la parabole du bon pasteur, et l'on sent qu'il n'y a qu'un chrétien qui ait pu soupirer les évangéliques amours de Paul et de Virginie. On nous fera peut-être une objection. On dira que ce n'est pas le charme emprunté des livres saints qui donne à Bernardin de Saint-Pierre la supériorité sur Théocrite, mais son talent pour peindre la nature. Eh bien, nous répondrons qu'il doit encore ce talent, ou du moins le développement de ce talent, au christianisme. Car cette religion, chassant de petites divinités, des bois et des eaux, a seule rendu au poète la liberté de représenter les déserts dans leur majesté primitive. C'est ce que nous essayerons de prouver quand nous traiterons de la mythologie. À présent, nous allons continuer notre examen des passions. Chapitre 8. La religion chrétienne considérée elle-même comme passion. Non contente d'augmenter le jeu des passions dans le drame et dans l'épopée, la religion chrétienne est elle-même une sorte de passion, qui a ses transports, ses ardeurs, ses soupirs, ses joies, ses larmes, ses amours du monde et du désert. Nous savons que le siècle appelle cela le fanatisme. Nous pourrions lui répondre par ces paroles de Rousseau. Le fanatisme, quoique sanguinaire et cruel, est pourtant une passion grande et forte, qui élève le cœur de l'homme et qui lui fait mépriser la mort, qui lui donne un ressort prodigieux et qu'il ne faut que mieux diriger pour en tirer les plus sublimes vertus. Au lieu que l'irreligion et en général l'esprit raisonneur et philosophique attache à la vie, effémine, avalit les âmes, concentre toutes les passions dans la bassesse de l'intérêt particulier, dans l'abjection du moi humain, et sape ainsi à petit bruit les vrais fondements de toute société. Car ce que les intérêts particuliers ont de commun est si peu de choses qu'il ne balancera jamais sur ce qu'ils ont d'opposé. Mais ce n'est pas encore là la question. Il ne s'agit à présent que d'effets dramatiques. Or, le christianisme considéré lui-même comme passion fournit des trésors immenses aux poètes. cette passion religieuse est d'autant plus énergique qu'elle est en contradiction avec toutes les autres, et que pour subsister, il faut qu'elle les dévore. Comme toutes les grandes affections, elle a quelque chose de sérieux et de triste. Elle nous traîne à l'ombre des cloîtres et sur les montagnes. La beauté que le chrétien adore n'est pas une beauté périssable. C'est cette éternelle beauté pour qui les disciples de Platon se hâtaient de quitter la terre. Elle ne se montre à ses amants, ici-bas, que voilée. Elle s'enveloppe dans les replis de l'univers comme dans un manteau. Car si un seul de ses regards tombait directement sur le cœur de l'homme, il ne pourrait le soutenir, il se fendrait de délices. Pour arriver à la jouissance de cette beauté suprême, les chrétiens prennent une autre route que les philosophes d'Athènes. Ils restent dans ce monde afin de multiplier les sacrifices et de se rendre plus dignes par une longue purification de l'objet de leurs désirs. Quiconque, selon l'expression des pères, n'eut avec son corps que le moins de commerce possible et descendit vierge au tombeau, celui-là, délivré de ses craintes et de ses doutes, s'envole au « lieu de vie », où il contemple à jamais ce qui est vrai, toujours le même et au-dessus de l'opinion. Que de martyrs cette espérance de posséder Dieu n'a-t-elle point fait ? Quelle solitude n'a point entendu les soupirs de ses rivaux qui se disputaient entre eux l'objet des adorations des séraphins et des anges ? Ici, c'est un Antoine qui élève un autel au désert et qui, pendant 40 ans, s'immole, inconnu des hommes. Là, c'est un saint Jérôme qui quitte Rome, traverse les mers et va, comme Élie, chercher une retraite au bord du Jourdain. L'enfer ne l'y laisse pas tranquille et la figure de Rome, avec tous ses charmes, lui apparaît pour le tourmenter. Il soutient des assauts terribles. Il combat corps à corps avec ses passions. Ses armes sont les pleurs, les jeûnes, l'étude, la pénitence et surtout l'amour. Il se précipite aux pieds de la beauté divine. Il lui demande de le secourir. Quelquefois, comme un forçat, il charge ses épaules d'un lourd fardeau pour dompter une chair révoltée et éteindre dans les sueurs les infidèles désirs qui s'adressent à la créature. Massillon, peignant cet amour, s'écrie « Le Seigneur tout seul lui paraît bon, véritable, fidèle, constant dans ses promesses, aimable dans ses ménagements, magnifique dans ses dons, réel dans sa tendresse, indulgent même dans sa colère, seul assez grand pour remplir toute l'immensité de notre cœur, seul assez puissant pour en satisfaire tous les désirs, seul assez généreux pour en adoucir toutes les peines, seul immortel, et qu'on aimera toujours. Enfin, le seul qu'on ne se repent jamais que d'avoir aimé trop tard. » L'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ a recueilli chez saint Augustin et dans les autres pères ce que le langage de l'amour divin a de plus mystique et de plus brûlant. Certes, l'amour est une grande chose, l'amour est un bien admirable, puisque lui seul rend léger ce qui est pesant, et qu'il souffre avec une égale tranquillité les divers accidents de cette vie. Il porte sans peine ce qui est pénible, et il rend doux et agréable ce qui est amer. L'amour de Dieu est généreux. Il pousse les âmes à de grandes actions et les excite à désirer ce qu'il y a de plus parfait. L'amour tend toujours en haut et il ne souffre point d'être retenu par les choses basses. L'amour veut être libre et dégagé des affections de la terre, de peur que sa lumière intérieure ne se trouve offusquée et qu'il ne se trouve ou embarrassé dans les biens ou abattu par les maux du monde. Il n'y a rien, ni dans le ciel, ni sur la terre, qui soit ou plus doux ou plus fort, ou plus élevé ou plus étendu, ou plus agréable ou plus plein ou meilleur que l'amour, parce que l'amour est né de Dieu et que, s'élevant au-dessus de toutes les créatures, il ne peut se reposer qu'en Dieu. Celui qui aime est toujours dans la joie. Il court, il vole, il est libre et rien ne le retient. Il donne tout pour tous et possède tout en tous. parce qu'il se repose dans ce bien unique et souverain qui est au-dessus de tout, et d'où découlent et procèdent tous les biens. Il ne s'arrête jamais aux dons qu'on lui fait, mais il s'élève de tout son cœur vers celui qui les lui donne. Il n'y a que celui qui aime, qui puisse comprendre les cris de l'amour et ces paroles de feu qu'une âme vivement touchée de Dieu lui adresse lorsqu'elle lui dit « Vous êtes mon Dieu, vous êtes mon amour, vous êtes tout à moi et je suis toute à vous. Étendez mon cœur afin qu'il vous aime davantage et que j'apprenne par un goût intérieur et spirituel combien il est doux de vous aimer, de nager et de se perdre, pour ainsi dire, dans cet océan de votre amour. Celui qui aime généreusement, ajoute l'auteur de l'Imitation, demeure ferme dans les tentations et ne se laisse point surprendre aux persuasions artificieuses de son ennemi. Et c'est cette passion chrétienne, c'est cette querelle immense entre les amours de la terre et les amours du ciel que Corneille a peint dans cette scène de Polyeucte. Car ce grand homme, moins délicat que les esprits du jour, n'a pas trouvé le christianisme au-dessous de son génie. Polyeucte. Si mourir pour son prince est un illustre sort, quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort ? Pauline. Quel Dieu ? Polyeucte. Tout beau, Pauline, il entend vos paroles. Et ce n'est pas un dieu comme vos dieux frivoles, insensibles et sourds, impuissants, mutilés, de bois, de marbre ou d'or, comme vous le voulez. C'est le dieu des chrétiens, c'est le mien, c'est le vôtre, et la terre et le ciel n'en connaissent point d'autre. Pauline, adorez-le dans l'âme et n'en témoignez rien. Polyeucte, que je sois tout ensemble idolâtre et chrétien. Pauline, ne feignez qu'un moment, laissez partir ces vers, et donnez lieu d'agir aux bontés de mon père. Polyeucte. Les bontés de mon Dieu sont bien plus à chérir. Il m'ôte des dangers que j'aurais pu courir. Et sans me laisser lieu de tourner en arrière, sa faveur me couronne, entrant dans la carrière. Du premier coup de vent, il me conduit au port, et sortant du baptême, il m'envoie à la mort. Si vous pouviez comprendre, et le peu qu'est la vie, et de quelle douceur cette mort est suivie. Seigneur, de vos bontés, il faut que je l'obtienne. Elle a trop de vertus pour n'être pas chrétienne. Avec trop de mérite, il vous plut la former, pour ne vous pas connaître, et ne vous pas aimer. Pour vivre des enfers, esclaves infortunés, et sous leur triste joug, mourir comme elle est née. Pauline. Que dis-tu, malheureux ? Qu'oses-tu souhaiter ? Polyeucte. Ce que de tout mon sang je voudrais acheter. Pauline. Que plutôt ? Polyeucte. C'est en vain qu'on se met en défense. Ce Dieu touche les cœurs lorsque moins on y pense. Ce bienheureux moment n'est pas encore venu. Il viendra, mais le temps ne m'en est pas connu. Pauline. Quittez cette chimère et m'aimez. Polyeucte. Je vous aime, beaucoup moins que mon Dieu, mais bien plus que moi-même. Pauline, au nom de cet amour, ne m'abandonnez pas. Polyeucte, au nom de cet amour, daignez suivre mes pas. Pauline, c'est peu de me quitter, tu veux donc me séduire? Polyeucte, c'est peu d'aller au ciel, je veux vous y conduire. Pauline, imagination. Polyeucte, céleste vérité. Pauline, étrange aveuglement. Polyeucte, éternelle clarté. Pauline, tu préfères la mort à l'amour de Pauline ? Polyeucte, vous préférez le monde à la bonté divine, etc., etc. Voilà ces admirables dialogues, à la manière de Corneille, où la franchise de la répartie, la rapidité du tour et la hauteur des sentiments ne manquent jamais de ravir le spectateur. Que Polyeucte est sublime dans cette scène. Quelle grandeur d'âme, quel divin enthousiasme, quelle dignité. La gravité et la noblesse du caractère chrétien sont marquées jusque dans ces « vous » opposés au « tu » de la fille de Félix. Cela seul met déjà tout un monde entre le martyr Polyeute et la païenne Pauline. Enfin, Corneille a déployé la puissance de la passion chrétienne dans ce dialogue admirable et toujours applaudi, comme parle Voltaire. Félix propose à Polyeute de sacrifier au faux dieu. Polyeute le refuse. Félix. Enfin, ma bonté cède à ma juste fureur. Adore-les ou meurs. Polyeute. Je suis chrétien. Félix. Impie, adore-les, te dis-je, ou renonce à la vie. Polyeute. Je suis chrétien. Félix. Tu l'es ? Ô cœur trop obstiné. Soldats, exécutez l'ordre que j'ai donné. Pauline. Où le conduisez-vous ? Félix. À la mort. Polyeute. À la gloire. Ce mot, je suis chrétien, deux fois répété, égale les plus beaux mots des Horaces. Corneille, qui se connaissait si bien en sublime, a senti que l'amour pour la religion pouvait s'élever au dernier degré d'enthousiasme, puisque le chrétien aime Dieu comme sa souveraine beauté et le ciel comme sa patrie. Qu'on essaye maintenant de donner à un idolâtre quelque chose de l'ardeur de Polyeute. Sera-ce pour une déesse impudique qu'il se passionnera, ou pour un dieu abominable qu'il courra à la mort. Les religions qui peuvent échauffer les âmes sont celles qui se rapprochent plus ou moins du dogme de l'unité d'un dieu. Autrement, le cœur et l'esprit partagés entre une multitude de divinités ne peuvent aimer fortement ni les unes ni les autres. Il ne peut, en outre, y avoir d'amour durable que pour la vertu. La passion dominante de l'homme sera toujours la vérité. Quand il aime l'erreur, c'est que cette erreur, au moment qu'il y croit, est pour lui comme une chose vraie. Nous ne chérissons pas le mensonge, bien que nous y tombions sans cesse. Cette faiblesse ne nous vient que de notre dégradation originelle. Nous avons perdu la puissance en conservant le désir. Et notre cœur cherche encore la lumière que nos yeux n'ont plus la force de supporter. La religion chrétienne, en nous rouvrant, par les mérites du Fils de l'homme, les routes éclatantes que la mort avait couvertes de ses ombres, nous a rappelés à nos primitives amours. Héritier des bénédictions de Jacob, le chrétien brûle d'entrer dans cette Sion céleste, vers qui montent ses soupirs. Et c'est cette passion que nos poètes peuvent chanter. À l'exemple de Corneille, source de beauté que les anciens temps n'ont point connue et que n'auraient pas négligé les Sophocles et les Euripides. Chapitre 9. Du vague des passions. Il reste à parler d'un état de l'âme qui, ce nous semble, n'a pas encore été bien observé. C'est celui qui précède le développement des passions. Lorsque nos facultés, jeunes, actives, entières, mais renfermées, ne se sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet. Plus les peuples avancent en civilisation, plus cet état du vague des passions augmente. Car il arrive alors une chose fort triste. Le grand nombre d'exemples qu'on a sous les yeux, la multitude de livres qui traitent de l'homme et de ses sentiments, rendent habile sans expérience. On est détrompé sans avoir joui. Il reste encore des désirs, et l'on n'a plus d'illusions. L'imagination est riche, abondante et merveilleuse. L'existence, pauvre, sèche et désenchantée. On habite avec un cœur plein, un monde vide, et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. L'amertume que cet état de l'âme répand sur la vie est incroyable. Le cœur se retourne et se replie en cent manières pour employer des forces qu'il sent lui être inutiles. Les anciens ont peu connu cette inquiétude secrète, cette aigreur des passions étouffées qui fermentent toutes ensemble. Une grande existence politique, les jeux du gymnase et du Champ de Mars, les affaires du forum et de la place publique, remplissaient leurs moments et ne laissaient aucune place aux ennuis du cœur. D'une autre part, ils n'étaient pas enclins aux exagérations, aux espérances, aux craintes sans objet, à la mobilité des idées et des sentiments, à la perpétuelle inconstance, qui n'est qu'un dégoût constant. Disposition que nous acquérons dans la société des femmes. Les femmes, indépendamment de la passion directe qu'elles font naître chez les peuples modernes, influent encore sur les autres sentiments. Elles ont, dans leur existence, un certain abandon qu'elles font passer dans le nôtre. Elles rendent notre caractère d'homme moins décidé, et nos passions, amollies par le mélange des leurs, prennent à la fois quelque chose d'incertain et de tendre. Enfin, les Grecs et les Romains, n'étendant guère leur regard au-delà de la vie, et ne soupçonnant point des plaisirs plus parfaits que ceux de ce monde, n'étaient point portés comme nous aux méditations et aux désirs par le caractère de leur culte. Formée pour nos misères et pour nos besoins, la religion chrétienne nous offre sans cesse le double tableau des chagrins de la terre et des joies célestes, et par ce moyen, elle fait dans le cœur une source de mots présents et d'espérances lointaines, d'où découlent d'inépuisables rêveries. Le chrétien se regarde toujours comme un voyageur qui passe, ici-bas, dans une vallée de larmes, et qui ne se repose qu'au tombeau. Le monde n'est point l'objet de ses vœux, car il sait que l'homme vit peu de jours, et que cet objet lui échapperait vite. Les persécutions qu'éprouvèrent les premiers fidèles augmentèrent en eux ce dégoût des choses de la vie. L'invasion des barbares y mit le comble, et l'esprit humain en reçut une impression de tristesse, et peut-être même une teinte de misanthropie, qui ne s'est jamais bien effacée. De toutes parts s'élevèrent des couvents où se retirèrent des malheureux trompés par le monde, et des âmes qui aimaient mieux ignorer certains sentiments de la vie que de s'exposer à les voir cruellement trahis. Mais de nos jours, quand les monastères, ou la vertu qui y conduit, ont manqué à ces âmes ardentes, elles se sont trouvées étrangères au milieu des hommes. Dégoûtées par leur siècle, effrayées par leur religion, elles sont restées dans le monde sans se livrer au monde. Alors elles sont devenues la proie de mille chimères. Alors on a vu naître cette coupable mélancolie qui s'engendre au milieu des passions, lorsque ces passions, sans objet, se consument d'elles-mêmes dans un cœur solitaire. Fin du livre troisième.